à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Je suis ravie de vous retrouver après cette trêve estivale et j'espère que vous serez toujours à l'écoute pour cette nouvelle saison animalière. Aujourd'hui, dans la chronique, je vais vous parler de trois pionnières, trois chercheuses remarquables qui ont changé notre vision des primates et qui ont redéfini ce qu'est l'être humain. J'ai nommé les trimates Jane Goodall, Diane Fossey et Birute Galdikas. J'aurai ensuite la chance de recevoir la docteure Charlotte Canteloup, éthologue spécialisée dans l'étude des primates, rattachée au département écologie et évolution de l'université de Lausanne en Suisse. Elle vient nous parler de théorie de l'esprit et de culture chez plusieurs espèces de singes. Bonjour Charlotte et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Les trios célèbres émaillent l'histoire et la pop culture. Du premier triumvirat romain aux trois mousquetaires de Dumas, en passant par les drôles de dames de la série éponyme, les associations par trois font légion. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un trio bien particulier, celui des trimates. Les trimates, mot de code créé par l'anthropologue et paléontologue kényan Louis Slicky, vient de tri, trois, et de primate. Il désigne trois femmes, pionnières hors du commun, qu'il aura envoyées au fin fond des forêts d'Afrique et d'Indonésie pour étudier nos plus proches cousins et comprendre le comportement de nos ancêtres. Il s'agit de Jane Goodall, Diane Fossey et Birute Galdikas. L'aventure commence avec la première d'entre elles, Jane Goodall, jeune anglaise rêveuse mais résolue qui rêve d'Afrique depuis sa plus tendre enfance. Née en 1934, Jane confie être tombée amoureuse de Tarzan très tôt et porte une jalousie irréductible envers l'autre Jane. Passionnée d'animaux, elle épie les gallinacés du poulailler familial pour voir les poules pondre et reste des heures immobile, sans bouger pour les observer. À 18 ans et sans argent, elle ne va pas à l'université et fait des petits boulots. Elle passe un diplôme de secrétaire, devient serveuse, aide dans une clinique. Tout bascule quand une de ses amies d'enfance, Chloe, installée au Kenya, l'invite à lui rendre visite. Elle économise pendant des mois avant d'accourir la rejoindre. Très vite, on lui conseille d'aller voir le professeur Leakey qui étudie les fossiles d'animaux anciens, dont ceux de la lignée humaine. Ni une ni deux, elle prend rendez-vous avec lui. L'histoire raconte qu'aussitôt, il l'embauche comme secrétaire, enthousiasmée par sa passion et sa détermination. Mais Jane ne veut pas étudier les fossiles, non. Elle veut étudier des animaux bien vivants. Or, Leakey a un projet. Il a l'idée un peu folle d'envoyer des gens sur place pour étudier les grands singes dans leur milieu naturel et essayer de comprendre les points communs entre eux et l'Homo sapiens. Il est en plus persuadé que les femmes sont plus patientes et adaptées à ce genre d'observations longues et parfois ingrates dans des conditions difficiles. Et en plus, elles ne risquent pas de susciter l'agressivité chez les singes mâles. En 1960, il envoie Jane au Tanganyika, l'actuelle Tanzanie, pour étudier les chimpanzés, chaperonnée par sa maman qu'elle choisit pour l'accompagner dans cette aventure. Elle arrive au parc de Gombe à 26 ans, le 16 juillet 1960. Même si son rêve se réalise enfin, les débuts sont houleux. Les conditions sont difficiles, en pleine forêt, dans un camp simple, loin de tout confort. Et surtout, les chimpanzés ne se laissent pas approcher, malgré des mois d'observation quotidienne. Les financements s'épuisent. Jane risque d'être renvoyée en Angleterre si elle ne voit rien de marquant très rapidement. Et en octobre, le miracle se produit. David Greybird, un gros mâle chimpanzé à la barbe blanche, se laisse observer en train de créer et d'utiliser un outil. Il prend une brindille et l'insère dans les trous de la termitière pour pêcher et manger les termites. Or, à l'époque, on considère que seuls les humains savent utiliser les outils. Les observations de Jane viennent bouleverser notre vision du monde. Louis Slicky s'empresse d'écrire « Nous devons maintenant redéfinir l'homme, redéfinir l'outil ou accepter les chimpanzés comme humains. » Boum ! Et ce n'est que le début. Jane passera sa vie en Afrique à suivre les chimpanzés. Elle leur donne des noms, décrit la vie de famille de Flo, la vieille femelle, et de ses nombreux petits, Fabun, Fifi, Figan ou Flint, et brosse un portrait touchant de ces animaux bien plus proches de nous que nous aurions pu le penser. Elle passe son doctorat à l'université de Cambridge en 1962 et publiera de nombreux articles traitant de culture, de vie sociale, de dominance ou encore de techniques de chasse chez les chimpanzés. Elle mettra même en lumière d'autres comportements moins pacifiques, tels que l'infanticide, en documentant des meurtres menés par deux femelles sur d'autres petits, qu'elle publiera en 1977 dans le journal Folia Primatologica. Aujourd'hui, Jane Goodall parcourt toujours le monde pour sensibiliser à la détérioration des forêts et à la crise climatique. À plus de 80 ans, elle défend toujours ses chimpanzés avec une énergie qui force l'admiration. La deuxième héroïne de ce trio est Diane Fossey. Diane est américaine et née en 1932. Elle aussi est d'un tempérament bien affirmé et dotée d'une volonté de faire. Ses parents divorcent alors qu'elle a 6 ans et Diane se retrouve vite coincée entre un beau-père très riche mais méprisant qui la fait manger dans une autre pièce que lui et une mère qui ne la soutient absolument pas. Elle est renfermée et ne trouve l'apaisement qu'au contact des animaux. Après avoir tenté de devenir vétérinaire sans aucune aide financière de ses parents, elle rate ses examens et devient malgré tout ergothérapeute et aide à la rééducation motrice d'enfants. Mais Diane, tout comme Jane, rêve d'Afrique et veut faire un safari. Elle économise, piécette après piécette, et s'offre un séjour de 7 semaines qui commence à Nairobi, au Kenya. Lors d'une excursion qui se soldera par une cheville cassée pour Diane, elle croise Louis et Marie Leakey en pleine fouille dans les gorges d'Olduvai, dans la vallée du Rift. Le chercheur lui parle de l'importance d'étudier les comportements des grands singes et lui détaille les avancées de Jane avec les chimpanzés. Diane retourne à sa vie, mais 3 ans plus tard, elle assiste à une conférence de l'anthropologue et repart à la charge. Elle veut aller étudier les gorilles de montagne. Il lui trouve des financements, un visa et envoie Diane en 1966. Elle a 34 ans. Elle part s'installer dans les monts Virunga, au Congo. Là aussi, tout est à faire. Diane commence les observations, mais au milieu de la brume et de l'humidité dans ces forêts opaques, s'approcher des gorilles est une mission presque impossible. En 1967, l'année suivante, c'est la géopolitique qui la rattrape. Elle est obligée de quitter le Congo car la région devient dangereuse et part au Rwanda, fonder le camp de recherche Karisoke. Sa patience est mise à rude épreuve, mais elle finit par se faire accepter par les grands singes en passant ses journées à quatre pattes dans les feuillages près d'eux. Digit, un jeune mâle aux doigts tordus, semble même curieux et semble attendre ses visites. Les observations de Diane sont exceptionnelles. Elle décrit la structure sociale de ces animaux, découvre que chaque gorille a une carte d'identité grâce aux plis de peau au niveau de leur nez, similaire à nos empreintes digitales. Elle documente ainsi leur vie. Leakey la pousse à revenir régulièrement en Amérique et en Europe pour faire la promotion médiatique de ses travaux, sponsorisés par le National Geographic, et pour aussi passer son doctorat. Elle publie aussi. Elle décrit les mouvements des mâles lors de leurs groupes sociaux d'origine, en 1976, dans le prestigieux journal Nature, avec son étudiant Alexander Harcourt. Elle documente les vocalisations des gorilles, en 1972, dans le journal Animal Behavior, ou encore leur reproduction, en comparant à celle des chimpanzés, en 1980, dans le Journal of Reproduction. Diane râle, s'exécute, mais retourne dans son cher camp dès qu'elle le peut. Malheureusement, la cohabitation est difficile. Dans un pays pauvre et à la situation politique troublée, le braconnage est un moyen de subsistance pour de nombreux villageois. Le 31 décembre 1977, Digit est retrouvé mort, décapité et les mains coupées. Diane est fauchée par le chagrin et furieuse. Elle lance un projet de financement, le Digit Fund, pour protéger les gorilles et financer des patrouilles de surveillance. Elle entre en croisade contre tout ce qui pourrait nuire à ses chers gorilles. Les braconniers, les autorités, les villageois, les touristes, tout le monde. Ses méthodes parfois extrêmes dérangent et les gorilles continuent à disparaître. En 1982, sort son livre « Gorille dans la brume » qui devient un best-seller. Elle apprend qu'il sera adapté en film avec l'actrice Sigourney Weaver pour jouer son rôle. Tout va bien. Ou presque. Le 27 décembre 1985, elle est retrouvée dans sa hutte, assassinée d'un coup de machette. Son meurtre n'est jamais élucidé, mais tout le monde s'accorde à dire qu'elle ne manquait pas d'ennemis. Elle est enterrée à Karisoke, près de Digit, son cher gorille, sous une pierre tombale où figure l'inscription « Personne n'aima plus les gorilles ». Aujourd'hui, la station de recherche Karisoke existe toujours, accueille de nombreux scientifiques et continue de nous éclairer sur le mode de vie de ces singes paisibles et discrets. La dernière aventurière de ce trio est la plus méconnue, ce qui est des plus injustes, car même si elle n'a pas connu la carrière académique de Jane ou les controverses de Diane, Birute Galtikas, car c'est son nom, est tout aussi admirable que ses consoeurs. Birute naît en 1946 en Lituanie et part à l'âge de 2 ans au Canada. Passionnée de sciences et de lecture, elle va à l'université et étudie la psychologie, l'archéologie et l'anthropologie. C'est lors d'une campagne de fouilles qu'une de ses amies lui conseille d'écrire à Louis Leakey, ce qu'elle fait. Vous devinez la suite. Son courage et sa motivation convainquent l'anthropologue qui consent à l'envoyer en Indonésie sur la piste des orangs-outans. Elle et son mari, Rod Brindamour, attendent pendant des mois des financements de la Société du National Geographic avant de s'envoler en 1971 pour Bornéo. Elle a 25 ans. Elle se retrouve dans une minuscule cahute au fond de la forêt tropicale qu'elle baptise Camp Leakey. Là aussi, elle passe des mois dans la jungle sans voir un orang-outan et s'épuise à marcher dans la végétation luxuriante et les marécages poisseux. Elle finit par réussir à approcher une femelle qu'elle nomme Beth et son petit, Bert. Elle découvre que contrairement aux gorilles et aux chimpanzés, les orang-outans sont plutôt solitaires. Elle récupère aussi des petits orphelins confisqués à des braconniers et met doucement en place un programme de prise en charge et de réintroduction de ces animaux malmenés. Elle passe aussi son doctorat, mais se désintéresse de la vie académique, retourne en Indonésie et œuvre à la protection des orang-outans et de leurs forêts. Elle documente l'alimentation, l'activité journalière des singes de Tajun Puting dans la revue scientifique International Journal of Primatology en 1988, ou encore l'évolution de la culture chez ces animaux dans un papier publié avec Karel Fonchaik en 2003 dans le journal Science. Elle engagera un combat de longue haleine avec les autorités politiques locales pour défendre les droits de ses chers protégés et agit toujours aujourd'hui pour leur cause. Soutenue par un mécène convaincu, nos trimates, dénués de toute formation scientifique, ont complètement bouleversé nos connaissances sur nos plus proches cousins. Leurs années d'observation, leur détermination, leur patience et leur abnégation ont contribué à mieux les comprendre et en conséquence à mieux appréhender qui nous sommes réellement. Critiquées, moquées pour leurs méthodes perçues peu rigoureuses et fantaisistes, elles ont fini par devenir des sommités mondialement reconnues et les ambassadrices les plus convaincantes qui soient. Preuve, s'il en est, qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et nous revoilà avec notre invitée, la docteure Charlotte Canteloup, primatologue rattachée au département écologie et évolution de l'Université de Lausanne. Elle a notamment étudié, pendant sa thèse, les précurseurs de la théorie de l'esprit, une capacité cognitive de la plus haute importance. Alors avant toute chose, et pour bien être au clair, c'est quoi la théorie de l'esprit ? Alors la théorie de l'esprit, c'est la capacité à imputer des états mentaux à autrui, donc comme des intentions, des croyances, des désirs. Donc en gros, c'est notre capacité à nous représenter ce qui n'est pas observable chez autrui de façon mentale, que donc nous interprétons mentalement, notamment à travers l'observation du comportement des animaux ou des autres personnes. Donc concrètement, ça veut dire qu'un animal, s'il a la théorie de l'esprit, va être capable de comprendre ce qu'un autre peut penser ou vouloir dans une situation sans que ce soit visible. Tout à fait, c'est okay. Ça. Donc c'est vraiment se projeter, quoi. C'est vraiment être capable d'interpréter mentalement des choses qui ne sont pas directement observables. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose que l'on étudie depuis longtemps chez les animaux, cette capacité ? Alors, les premiers qui ont utilisé ce terme de théorie de l'esprit, c'est des primatologues qui s'appelaient Premack et Woodruff en 1978. Et en fait, ils ont posé cette question chez le chimpanzé. Donc, ils ont voulu savoir si le chimpanzé avait une théorie de l'esprit. Et pour répondre à cette question, ils ont testé une chimpanzée qui s'appelait Sarah, en lui montrant des films dans lesquels un expérimentateur humain était confronté à des problèmes. Okay. Donc par exemple, il était enfermé dans une cage et elle devait ensuite sélectionner une image qui correspondait à la solution du problème. Donc ici, une clé par exemple, qui permettait d'ouvrir la cage. Et donc elle était confrontée à ce genre de test, elle a tout à fait bien réussi à trouver les bonnes images. Et donc les chercheurs avaient conclu que elle était tout à fait capable de comprendre quel était le but de l'acteur, donc le problème, ses intentions, et puis qu'elle était capable de choisir les solutions adaptées. Okay. Donc en gros, qu'elle était capable de se mettre à la place de l'humain. Cette étude, elle a été critiquée par certains chercheurs selon lesquels, en fait, ces comportements, ces réponses de Sarah pouvaient s'expliquer par des mécanismes cognitifs plus simples, qui ne faisaient pas forcément appel à une théorie de l'esprit, mais qui pouvaient s'expliquer par des règles d'apprentissage associatif simples. Okay. Et en fait, elle aurait pu tout simplement apprendre au cours de sa vie à associer une cage avec une clé, puisque c'était peut-être un objet qu'elle voyait souvent associé à la cage, sans forcément comprendre que l'humain avait le désir ou l'intention de sortir de la cage. Donc au final, oui, elle peut très bien avoir juste compris que la clé, c'est ce qui va avec la cage, sans comprendre que l'individu qui est dans la cage a la volonté d'en sortir, etc. Voilà, c'est ça. En gros, c'est un peu ce que les critiques qui ont été faites à ce moment-là. Et donc j'imagine que là, on n'a aucun moyen de trancher entre les deux hypothèses. finalement. Qu'est-ce qui... Avec cette expérience seule, on n'a pas moyen de savoir si Sarah, en effet, elle fonctionnait par association ou si elle avait vraiment compris le besoin de la personne dont le problème était à résoudre. Tout à fait. C'est effectivement le gros problème de la théorie de l'esprit, c'est que, en tout cas pour cette expérience-là, il n'y avait pas de moyen de vérifier quel mécanisme était impliqué dans ces comportements. Donc c'est encore quelque chose qui fait un peu débat, mais... Pourquoi est-ce que c'est une capacité si importante qui défraye autant la chronique, la théorie de l'esprit ? Ouais, alors la théorie de l'esprit, c'est vraiment... donc c'est une capacité effectivement qui est très importante, qui est encore considérée aujourd'hui par de nombreux chercheurs comme une spécificité humaine. Et c'est une des grandes questions qui anime le monde scientifique, c'est de savoir qu'est-ce que ce signifie être humain, qu'est-ce qui nous rend humain, quelles sont les forces évolutives qui ont amené notre espèce à développer des capacités cognitives très complexes comme le langage articulé, la théorie de l'esprit, la culture, etc. Et en fait, ça remonte assez loin puisque Darwin pensait qu'il existait une différence de degré et non de nature entre l'espèce humaine et les autres animaux. Donc pour lui, il y a vraiment une continuité. Enfin, il n'y a pas de rupture entre les primates, nos cousins, chimpanzés, etc. et l'humain. C'est ce que Darwin pensait, en d'accord. tout cas. Ouais, tout à fait. Mais tous les chercheurs ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Et certains ont même parlé de l'erreur de Darwin, en tout cas en ce qui carrément. Concerne la théorie de l'esprit. Et en fait, selon ces chercheurs, il y aurait vraiment une discontinuité phylogénétique au cours de l'évolution, en ce qui concerne en tout cas l'esprit, l'évolution de l'esprit. Et entre l'humain et les autres animaux, quelque chose serait arrivé au cours de l'évolution qui aurait permis seulement à l'espèce humaine de développer cette théorie de l'esprit. Donc il y a vraiment deux clans, ceux qui pensent qu'il y a la continuité, ceux qui Tout pensent qu'au fait. Contraire, il y a une grande rupture. Une grande guerre dans le monde scientifique. Mais au final, si je comprends bien, cette théorie de l'esprit, c'est un petit peu ce qui va définir l'humain par rapport aux autres animaux. C'est pour ça qu'elle est aussi décriée. Oui, ouais, tout à fait. C'est vraiment exactement. Une originalité. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de crucial. Donc pour en revenir à vos travaux, donc vous avez étudié pendant votre thèse donc cette théorie de l'esprit chez une espèce de singe particulière qui sont les macaques de Tonkéan. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur eux, à quoi ils ressemblent, d'où ils viennent ? Oui. Alors, effectivement, j'ai effectué ma thèse au Centre de primatologie de l'Université de Strasbourg sous la direction d'Hélène Meunier. Et donc, j'y ai étudié des précurseurs et composants à la théorie de l'esprit chez deux espèces de macaques, les macaques rhésus et les macaques de Tonkéan. J'ai principalement, moi, étudié les macaques de Tonkéan. Et en fait, donc, il existe au sein des macaques différentes espèces qui se différencient selon leur système social. D'accord. Donc ça va des espèces despotiques aux espèces tolérantes. Du coup, despotique, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie très figée, c'est ça ? Très stricte. Ok. Voilà, c'est-à-dire que les macaques rhésus, eux, ont une hiérarchie beaucoup plus stricte que les macaques de Tonkéan. Et par exemple, ce qui peut les différencier, c'est que lors d'un conflit, chez les macaques de Tonkéan, il n'est pas rare que certains individus vont protester, par exemple, et vont recevoir aussi l'appui de certains de leurs congénères. Ce qui arrive beaucoup plus rarement chez les macaques rhésus, qui vont être beaucoup plus soumis et qui vont plus... Ils se laissent faire, quoi. Voilà, ils respecter sont malmenés la hiérarchie. Par un chef, voilà. Ok. C'est ça. Et les macaques de Tonkéan sont aussi assez peu étudiés en cognition, donc c'était intéressant de les étudier. Au niveau de la théorie de l'esprit, ils n'avaient jamais été testés ou il y avait déjà des études ? Non. Pas du tout. Ok, donc c'était quand même assez novateur de travailler chez ces espèces-là. En vrai, concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que vous testez la théorie de l'esprit chez ces macaques ? Comment est-ce que vous avez procédé ? Alors, donc, moi, j'ai fait plusieurs expériences pendant ma thèse. Donc, moi, je m'étais intéressée à la perception de l'attention, la prise de perspective visuelle et la perception des intentions. Et donc, une des expériences qu'on a faites, notamment pour tester la prise de perspective visuelle, donc c'est-à-dire on a voulu savoir si les macaques étaient capables de comprendre ce que les autres pouvaient et ne pouvaient pas voir. D'accord. Donc, il y a une idée de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, si moi, je ne peux pas voir, peut-être que lui, de l'autre côté, est capable de voir un objet ou ce genre de choses. Voilà. En D'accord. tout cas, de, de, de s'imaginer mentalement ce que l'autre peut ou ne peut pas voir. D'accord. Voilà. Et donc, nous, on avait testé deux individus ensemble, un subordonné avec un dominant, puisque chez les primates, il y a une hiérarchie. Les individus s'organisent autour d'une hiérarchie. On les a placés dans une situation de compétition alimentaire. OK. Et les dominants ont évidemment accès à la nourriture par rapport aux subordonnés. Ils sont en compétition. Dans la nature, par exemple, quand il y a de la nourriture, le dominant y a accès en priorité, j'imagine. Voilà, ouais. Tout à fait, c'est d'accord. Ça. Donc, on avait notre dispositif expérimental consistait en trois pièces, en fait. Mm-hmm. Hein, parce que là-bas, donc, ils vivent en semi-liberté dans des enclos. Et accolés aux enclos, il y a des sas expérimentaux en extérieur qui permettent de les tester, de faire des expériences assez facilement. Donc ils ont l'habitude de venir là. Voilà, etc. Ils sont très bien. Ils ont des récompenses souvent. Ils sont très bien habitués. Souvent, ils n'ont pas envie d'en sortir. Donc, ah. C'est assez. Ils aiment bien ça, disons. Ok. On avait donc trois pièces à coller les unes aux autres. Donc, de part et d'autre, on mettait un singe dans chaque pièce. Donc, un subordonné avec un dominant, voilà. Et dans la pièce centrale, il y avait deux parpaings. Et en fait, ces trois pièces, elles étaient séparées par des trappes, hein, des d'accord. doubles trappes. Donc, une trappe transparente qui était doublée par une trappe opaque. Et donc, lorsque les trappes opaques étaient fermées, donc les singes ne pouvaient pas voir ce qui se passait au milieu, il y avait un humain qui allait déposer une rondelle de banane sur un des deux parpaings. Okay. Donc, cette rondelle de banane, elle allait être visible aux deux... Par les deux singes. Tout à de fait. De chaque côté. Okay. Et l'autre rondelle de banane allait être placée à l'intérieur d'un des deux parpaings, de sorte qu'elle ne soit visible ensuite que par un seul des deux sujets. Ok. Et ensuite, on ouvrait les trappes opaques, ce qui permettait aux singes de voir où était la nourriture dans la pièce centrale et avec quel individu ils étaient testés, qui ils avaient en face d'eux, en fait. Si c'était un individu qui leur était dominant ou subordonné. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est en gros la nourriture au centre, il y a les deux singes, il y en a un qui peut voir deux rondelles, l'autre qui n'en voit qu'un. Tout à fait. Et vous donnez accès aux singes pour voir ce qui se passe. Voilà. Après, nous, on a fait différentes conditions. Donc, il y avait une condition où ils étaient relâchés en même temps. Donc, on ouvrait les trappes transparentes et puis ils pouvaient rentrer simultanément dans la pièce. D'accord. Et une autre condition où un des deux était relâché avec un petit temps d'avance par rapport à l'autre, donc quelques secondes, 5 secondes avant. Ok, ce qui lui laisse le temps de voir un petit peu le terrain, quoi, de voir où voilà, est la nourriture, c'est etc. Ça. Okay. Et nous, on faisait l'hypothèse que si le subordonné, on s'intéressait surtout au choix du subordonné, si le subordonné était capable de comprendre ce que le dominant pouvait et ne pouvait pas voir, donc il était capable de se mettre à la place de lui et de comprendre qu'il ne pouvait pas voir le morceau de banane caché, alors il devrait préférentiellement se diriger vers ce morceau de nourriture caché pour avoir plus de chances d'avoir quelque chose à manger. Parce que c'est plus logique pour un dominé d'aller voir la nourriture cachée parce qu'il y a peu de chances que le dominant y aille. Et du coup, d'être tranquille, ça serait ça le plus logique. C'est-à-dire que, logique dans le sens que, c'est-à-dire qu'il comprend que le dominant n'est pas au courant qu'il y a un morceau caché, en fait. Voilà. Et dans les faits, comment ça se passe? Et nous, ce qu'on a trouvé comme résultat, c'était on a montré que les subordonnés, effectivement, quand ils étaient relâchés en même temps ou un petit peu avant, le dominant dans la zone de test, la centrale, effectivement, ils préféraient se diriger vers la nourriture cachée à la vue du dominant. Donc, et on a fait ces deux conditions, en fait, pour vérifier que le subordonné, lorsqu'il a un petit temps d'avance, il fait un choix qui ne dépend pas de celui du dominant, puisque quand ils sont relâchés exactement en même temps, en général, ce qui se passe, c'est que le dominant, lui, ne voit qu'un morceau, donc il y va. Il s'y jette directement. Exactement. le choix du subordonné pourrait être un choix par défaut, en quelque sorte. En gros, il prend ce qui reste, quoi. Voilà. Il n'a pas trop le choix. Tout à fait. Et donc, ce n'est pas ce qu'on observe, puisque même quand ils sont relâchés avant, ils vont quand même vers la nourriture cachée. Ouais. Et en fait, cette expérience, elle avait été faite dans les années 2000 chez des chimpanzés. D'accord. Qui avaient obtenu exactement les mêmes résultats. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on a placé les dominants exactement dans la même situation pour vérifier que les macaques n'avaient pas une préférence pour de la nourriture cachée. Et les dominants, eux, ils s'en foutent. Ils vont aussi bien choisir voilà, le cacher, le pas hasard, cacher. Voilà, tout à fait. Et donc, ces chercheurs, en testant les chimpanzés, ils avaient évidemment conclu que les chimpanzés sont capables de prendre la perspective visuelle de leurs congénères. Donc, on a obtenu les mêmes résultats. Et ça peut s'interpréter de cette manière-là. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire une explication de haut niveau cognitif. Mais il existe d'autres explications plus simples. Qui pourraient expliquer ce comportement. Par exemple, pour les dominer, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre comme association ? J'imagine que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, une histoire d'association. Ils associent le fait que dans une situation, il ne faut pas réfléchir, il faut prendre le cachet, etc. Tout à fait. Alors en fait, là, les explications très simples qui pourraient être émises, ce serait que le subordonné, en fait, il n'a pas forcément besoin mentalement de se projeter, de se mettre à la place du dominant et de s'imaginer ce qu'il peut voir ou pas. Mais il pourrait tout simplement... avoir appris au cours de sa vie que voilà, bon, les dominants ont un accès privilégié à la nourriture et que donc quand il y a de la nourriture dégagée et la présence d'un dominant simultanément au même moment, il y a une sorte d'inhibition, voilà, on n'y va pas, on ne prend pas le risque et on ne se dirige pas vers cette nourriture visible. Oui. Et ce genre de, malheureusement, d'explications très simples, c'est très difficile à contrer. Ouais. Pour l'instant, c'est difficile de savoir effectivement ce qui se passe dans la tête du singe. Est-ce que c'est vraiment juste une association simple ou est-ce qu'il est capable d'anticiper en se mettant à la place de l'autre ? Exactement. Et ces explications-là, elles sont aussi valables pour les chimpanzés, même si ce n'est pas trop ce que les chercheurs concluent au final. Mais c'est intéressant de voir quand même que les chimpanzés, c'est les grands singes, ils font un peu partie du grand trio de tête avec les gorilles, le quatuor même, avec les bonobos, les orang-outans, etc. C'est intéressant de voir que des macaques, qui sont donc des singes qui sont plus éloignés de nous, ont les mêmes stratégies finalement. Tout à fait, exactement. Oui, après, même s'ils ne sont pas capables de théorie de l'esprit, on n'en sait trop rien, mais même s'ils n'ont pas cette capacité-là, ils sont quand même tout à fait capables, ils ont quand même des stratégies comportementales qui sont très efficaces et qui leur permettent de se comporter socialement avec leurs congénères, de développer certaines stratégies qui fonctionnent tout aussi bien. Tout finalement. À fait, voilà. Donc, même si les mécanismes ne sont peut-être pas les mêmes, au final, le résultat, lui, est le même. Donc c'est déjà une bonne piste. Alors, je sais bien que vous brûlez d'impatience d'écouter encore notre invité, mais ne bougez pas, on vous offre un court intermède musical et on revient tout de suite sur Campus. La pierre vive qui rougeoie dans le matin, et c'est l'écume qui renaît soudain, c'est ma terre qui s'éveille. C'est la rumeur de ton été sans fin. c'était l'enfant Samba de Cortex. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie et je reçois aujourd'hui la docteure Charlotte Canteloup, primatologue rattachée au département écologie et évolution de l'université de Lausanne. Elle nous parlait avant la pause de ses travaux de thèse sur la théorie de l'esprit chez les macaques de Tonkéan. Alors aujourd'hui, vous avez fini votre thèse, sur quoi travaillez-vous ? Oui, alors donc là je finis actuellement mon post-doc et pour lequel j'ai travaillé sur les origines de la culture et l'apprentissage social chez les singes vervés. Donc tout un problème. Donc toujours des singes, oui, toujours. Mais sur un sujet assez radicalement différent. C'est ça. Là, l'objectif était plutôt de voir si ils étaient capables d'apprendre socialement une nouvelle technique de fourragement de leurs congénères. Donc apprendre socialement, c'est juste en observant les autres finalement. Voilà, c'est ça. C'est par observation. Ok. Et ensuite, si oui, comment se transmettaient ces différentes techniques et c'est-à-dire de qui est-ce qu'ils apprenaient? D'accord. Donc c'est une technique, donc vous avez dit fourragement, c'est un terme qu'on utilise peu, mais c'est pour chercher la nourriture, c'est ça? C'est une technique particulière pour obtenir une ressource? Oui, alors là c'était une expérience où j'utilisais une boîte pour accéder à de la nourriture. D'accord. Et donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'ils vont apprendre une stratégie et comment ça va se diffuser dans le groupe. Voilà. D'accord. Mais vous parlez de culture. C'est souvent un terme qu'on oppose aux sauvages. On dit nature, culture, etc. Comment ça se définit exactement la culture ? Ouais, alors la culture, c'est aussi question complexe. C'est aussi un sacré débat et il n'y a pas vraiment de consensus dans le monde scientifique quant à la définition de la culture. Pour beaucoup d'anthropologues, la culture, c'est exclusivement humain. C'est quelque chose qui est lié au langage, etc. Mm-hmm. Alors que pour les biologistes et les éthologues, ça va être des innovations comportementales qui vont être spécifiques à une population et qui vont être transmises non génétiquement, c'est-à-dire grâce à l'apprentissage social. Justement. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de c'est très local finalement, quelque chose qui est transmis culturellement, c'est que, comme nous par exemple les langues, ça va être par pays, par zone. Tout à fait. Ça s'apprend socialement. Et ça se transmet aussi dans le temps, c'est ça l'idée. Voilà, tout à fait. Mais donc les ethnologues sont pas d'accord, mais dans le règne animal, il y a déjà eu plus d'observations de cas de culture. Oui. Le cas emblématique, c'est les macaques du Japon qui lavent leurs patates douces, mais il y a eu plein d'autres exemples finalement qui retrouvaient, enfin où on retrouvait ces critères-là. Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a le chant des oiseaux, le chant des baleines, des techniques de chasse chez de nombreuses espèces, le cassage de noix chez les chimpanzés. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Ouais. Donc peut-être qu'on va faire mentir un peu les anthropologues. Alors pour revenir un peu dans le vif du sujet, donc où est-ce que se passe votre étude? Où est-ce que vous travaillez? Alors moi, je suis partie de longs mois en Afrique du Sud, d'accord, au sein du Inkavu Vervet Project, qui est dirigé par Erika van de Waal de l'Université de Lausanne en Suisse. Et Inkavu, ça veut dire singe en zoulou, puisque ce site de recherche se situe dans une réserve privée, dans la province du KwaZulu-Natal, en d'accord. Afrique du Sud, fond de la savane. Donc vous étiez vraiment sur place, à marcher dans les hautes herbes avec les vervets en totale tout liberté. À fait. Tout à fait. Donc, vous avez fait dans votre carrière aussi bien du captif, parce que les singes de Strasbourg étaient en milieu semi-ouvert, on va dire, avec des enclos. Et là, vous êtes totalement avec des animaux sauvages. Donc, j'imagine que ça change pas mal vos techniques d'approche. Parce qu'on oui. peut pas faire la même chose. Non, tout à fait. Je pense que c'est deux approches qui sont assez complémentaires. Ça dépend des questions de recherche qu'on a. Mais je pense que c'est assez important et intéressant pour des primatologues, enfin des éthologues en général, d'aller observer les espèces dans leur milieu naturel pour avoir quand même une image un peu plus globale de ce qui se passe. Bah oui, complètement. Mais c'est vrai qu'on se dit que ça doit être compliqué parce que en éthologie, enfin en sciences en général, on est assez rigoureux. C'est vrai qu'on observe un animal en particulier, des choses assez fines. Quand on est avec des animaux sauvages, en plus les vervets vivent en groupe. Donc oui. je ne sais pas combien vous étudiez d'animaux, s'il y avait beaucoup d'animaux par groupe. Ouais. Mais alors, les vervets, oui, ils vivent dans des groupes qui peuvent aller d'une dizaine à une soixantaine d'individus à peu près. Donc c'est vrai que ça peut être des grands groupes. Après, moi, c'était des singes qui étaient quand même bien habitués à la présence d'accord. humaine, qui étaient des animaux sauvages, mais habitués à la présence qui ont humaine déjà vu depuis, des chercheurs. Voilà, depuis un certain nombre d'années. Donc c'était pas très difficile, c'était pas du tout difficile de les observer. Et en plus de ça, les singes vervets, c'est une espèce qui est très répandue en Afrique du Sud, qui sont même considérés comme des nuisibles. D'accord. Donc, ils peuvent être chassés, par exemple, s'ils sont trop nombreux, ou ils sont protégés, non? Ils sont pas vraiment protégés. D'accord. Non, parce que c'est vraiment des animaux qu'on voit un peu partout. Il y en a beaucoup. Et puis qui causent aussi des dégâts là-bas, notamment qui vont piller les maisons, les hôtels, ce genre de choses. D'accord, parce qu'ils viennent chercher la nourriture. Ils sont assez chapardeurs, ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est justement leur statut, contrairement par exemple aux grands singes qui sont très, eux, très protégés, on peut faire des expériences assez facilement sur le terrain avec eux. C'est pas difficile d'avoir les autorisations, etc. pour juste se rendre auprès de... Oui, il n'y a même pas besoin vraiment, enfin il y a très peu besoin d'autorisation. Quoi. D'accord. Après, c'est pas des choses invasives. Oui, c'est bien des... sûr, il n'y a rien, vous leur faites pas de mal. Au contraire, ils sont même plutôt récompensés pour leurs efforts. Voilà. Donc ils ont tout à y gagner. Et Vervet, alors pour se représenter un peu, c'est les limites de la radio. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Ah, c'est des très jolis petits singes de la taille d'un gros chat à peu près, des singes gris avec une face noire. D'accord. Ils vivent surtout dans les arbres ou ils sont aussi au sol? Ils sont. L'intérêt justement, c'est qu'ils sont pas trop arboricoles. D'accord. Donc ils sont souvent, c'est des semi-terrestres. Ils sont souvent au sol et donc on passe pas, on n'a pas trop mal au cou. On passe pas pour trop les regarder. Non. Et au niveau de leur manière de vivre, en fait, quelles sont leurs particularités? Alors, donc, c'est des singes qui vivent en groupe, qui sont composés de un ou plusieurs mâles adultes et puis de plusieurs lignées maternelles. D'accord. Qui sont composées donc, de femelles adultes et de leur progéniture. Et en fait, chez ces espèces, les femelles, elles forment vraiment le cœur social du groupe, puisque ce sont elles qui restent toute leur vie dans leur groupe natal. D'accord. Tandis que les mâles vont migrer dans un nouveau groupe quand ils vont atteindre la maturité sexuelle. D'accord. Donc ça, c'est vers un an, deux ans, plus vieux. C'est plutôt vers deux, trois ans. D'accord. Ouais. Donc dès qu'ils sont capables de se reproduire, ils partent du groupe, ils vont ailleurs. Voilà, okay. Et ils peuvent migrer une à plusieurs fois dans leur vie. Et ils sont aussi assez connus, ces singes, parce qu'ils ont, ils ont été pas mal étudiés pour leur vocalisation et ils utilisent trois cris d'alarme qui sont spécifiques à un type de prédateur. Donc, ils ont un cri spécial quand ils voient un léopard, un aigle ou un serpent. D'accord. Et chaque alarme, en fait, est suivie d'une réponse comportementale particulière. Donc, ça va être de grimper aux arbres lorsqu'il s'agit d'un léopard. Ça va être de scruter le ciel ou de se mettre au sol ou dans les fourrés quand c'est un aigle. Et puis, lorsque c'est un serpent, ils vont inspecter le sol. En position bipède. Voilà. Donc, ils ont vraiment un système de communication assez élaboré pour prévenir les autres, etc. Et alors, votre expérience, donc au milieu de la savane, comment est-ce que ça se passe pour tester cette transmission, en tout cas cet apprentissage social avec ces fameuses boîtes, comment est-ce que ça se passait? Donc moi j'ai fait une expérience qui consistait, donc j'utilisais des petites boîtes là comme je vous disais tout à l'heure, où je leur proposais, en fait je me levais très tôt le matin, on se levait en général vers 3h. Très tôt. On commençait, oui. Avant le lever du soleil, en fait, on arrivait là où ils dormaient. Donc, le matin, ils sont encore en boule, en train de dormir dans les arbres. Les chanceux. Et donc, j'arrivais. Puis, j'avais 8 boîtes identiques. D'accord. Des petites boîtes qui pouvaient s'ouvrir de deux manières différentes. Donc, soit en soulevant un couvercle, soit en tirant un tiroir. D'accord. Et dedans, il y avait une petite rondelle de banane. De pommes, pardon. Les bananes, c'était les macaques. Eux, ils ont eu de la pomme. Et donc, je disposais mes boîtes. C'était des boîtes qui étaient nouvelles pour eux. Ils n'avaient jamais vu ces boîtes auparavant. Et je filmais l'expérience. Et puis, donc, ils étaient libres de venir s'intéresser aux boîtes, de les manipuler, de découvrir par eux-mêmes, etc. Parce que personne ne leur a appris comment les ouvrir. Voilà, c'est ça. Vous avez posé les boîtes et ils se débrouillaient. Tout à fait. OK. C'est ça. Et donc, le but de l'expérience, c'était de voir qui allait venir, qui allait innover, quelles techniques ils allaient utiliser, et puis qui observait qui faisant quoi, en fait. D'accord. Et donc, tout ça, vous posez les boîtes, et en gros, vous vous filmiez en continu pour voir tous les comportements et ensuite les analyser plus finement. C'est ça. Et donc, pour chaque manipulation, on parlait à la caméra et on disait qui fait quoi, qui est en train de regarder. Donc, des heures de travail, parce qu'il y a les heures sur place avec les singes, mais ensuite, il faut analyser tout en rentrant. Tout à fait. Un long, long travail. Je vois. Et alors, quelles étaient vos premières observations, vos premiers résultats? Qu'est-ce que ça donnait, cette expérience des boîtes? Pour l'analyse des données, j'ai analysé ces données avec Will Hoppit de l'Université de Leeds en Angleterre. avec qui on a adopté une approche de modélisation statistique, en fait, qui permet de prendre en compte l'ordre d'acquisition des techniques d'ouverture de boîte pour chaque individu. Okay, et donc, s'ils apprenaient plutôt le couvercle ou le tiroir, voilà, d'accord. Tout à fait. Et qui permet, en fait, de simuler la diffusion de ces techniques. Et les chemins de transmission possibles au sein du groupe. Donc, qui apprend à qui, etc. Voilà, okay. C'est ça. Et en fait, en gros, ce qu'on a voulu savoir, c'est si les singes préféraient apprendre, par exemple, des individus plus âgés, ou bien des femelles, ou bien de leurs apparentés, ou bien des individus dominants. Donc, c'est ce qu'on a testé. Et moi, j'avais mené cette expérience dans deux groupes. Ce que j'ai observé, c'est que dans un des deux groupes, c'était le mâle dominant qui avait réussi en premier. D'accord. Alors que dans l'autre groupe, c'était la femelle dominante. Ok. Alors, c'est vrai que les dominants avaient tendance à venir plus rapidement en premier, etc. C'est pour ça que moi, j'avais utilisé 8 boîtes. C'était pour éviter que les dominants monopolisent toutes les boîtes et ne laissent pas les autres y accéder, essayer. Tout à fait. Et après ces dominants, voilà, d'autres membres du groupe sont venus, ont appris, et au final, j'ai eu beaucoup d'individus qui ont réussi presque la tâche. Presque tout le monde apprenait à ouvrir la boîte au sein du groupe, au final. Presque, ouais, parce que j'avais un groupe de 12, il y en avait 11 qui avaient réussi, okay. Et puis dans le second groupe, ils étaient 28, et je crois que j'en avais eu, je me souviens plus exactement, mais plus d'une vingtaine. Ouais, donc ouais. La majorité. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et en fait, donc les analyses, elles nous ont montré que déjà que d'une part, ils apprenaient bien socialement, c'est-à-dire qu'ils apprenaient bien en observant leurs congénères. Ils avaient plus de chances d'apprendre la technique qu'ils avaient le plus observée chez des congénères. Ensuite, on a montré qu'ils préféraient, enfin qu'ils copiaient la technique qui était utilisée par des individus de plus haut rang social qu'eux. Des individus qui leur étaient plus dominants. Okay. Et ça, c'était intéressant parce que chez les humains, on sait que, enfin, il a été proposé que copier des individus prestigieux augmenterait la qualité de l'information sociale, de l'information acquise. Nos résultats sont un parallèle intéressant chez nos cousins primates. Donc finalement, les vervets, les humains, on copie toujours ceux qui ont un petit cran d'avance ou ceux qui sont bien placés dans la société. On se dit les influenceurs, tout ça, finalement, on n'est pas si loin. Il semblerait que ça joue même chez nos cousins primates, effectivement. Donc les vervets ne sont pas sur Instagram, mais quand même, on retrouve... des tendances comparables. Merci mille fois, Charlotte, d'être venue vous joindre à nous et de nous avoir tant appris sur nos cousins primates, ainsi que sur la théorie de l'esprit et la culture chez les autres animaux que l'humain. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils de lecture. Pour finir cette émission, je vous conseille deux ouvrages, une bande dessinée et un album documentaire. Le premier est une bande dessinée qui retrace les parcours et les histoires de vie hors normes des primates, les anges de Louis Leakey, dont je vous parlais dans la chronique, les primatologues Jane Goodall, Diane Fossey et Birute Galdikas. Il s'agit de l'ouvrage sur les traces des grands singes, écrit par Jim Ottaviani et illustré par Maris Wicks, et publié chez l'École des loisirs. Cette bande dessinée dodue de 137 pages réunit le tour de force d'unir les parcours de chacune de ces trois femmes d'exception tout en distillant des anecdotes personnelles ainsi que des connaissances poussées sur les trois espèces de primates auxquelles elles ont consacré leur vie. La narration est savamment agencée, présentant chaque chercheuse en un chapitre, leurs travaux, leurs interactions entre elles ainsi qu'avec Leakey, mais aussi leurs joies, aspirations et déceptions. On a l'impression en fermant le livre qu'on les a toutes rencontrées et vécu avec elles cette incroyable aventure. C'est drôle, touchant, instructif et une extraordinaire leçon de bravoure à mettre entre toutes les mains. Le second livre s'intitule très sobrement « Singe » au pluriel et il est écrit et illustré par Owen Davy et paru chez Gallimard Jeunesse. Alors je ne suis pas du tout objective parce que j'adore le travail de cet illustrateur, mais le livre est vraiment très réussi. Il présente la grande variété des singes et exclut volontairement les plus grands d'entre eux, tels que les gorilles, orang-outans et autres chimpanzés, pour se focaliser sur des espèces moins médiatisées. Après avoir défini ce que sont les singes, fait des rappels en matière de cousinage avec l'humain, expliqué la différence entre singes du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde, l'auteur nous parle de leurs records, de leur capacité à utiliser des outils, de la richesse de leur vie sociale, ou encore des mythes et légendes, les mettant en scène dans nos histoires à nous. Ces 37 pages, en plus d'être riches en informations, sont très abondamment illustrées de dessins volontairement rétro, stylisés et un poil géométriques, comme on pouvait les voir dans les années 60. C'est un incontournable, comme tous les autres livres de Owen Davy. Ruez-vous dessus. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.